都へ登る道すがら摂津の国生田の里へ着いたのはまだ春も浅いある朝のことでした。ほどろに残る春の雪間には若菜を摘む里の娘たちの歌声が爽やかに響いていました。 Hop là, on est en train de parler. J'ai failli me faire prendre par l'antenne. Donc Radio Libertaire, toujours bien évidemment 89.4. J'ai oublié de donner le numéro du studio qui est 01 43 71 89 40. 01 43 71 89 40. Voilà. Et toujours évidemment aussi sur Internet, vous êtes Bulle de Rêve, où on va parler du Japon. On a entendu Marilyn et Monroe et Jen Russell. Vous avez de la chance, on a hésité à un moment donné à faire toute l'émission en chantant, mais finalement, je pense qu'il vaut mieux éviter pour vous. Ensuite, vous avez entendu un extrait d'un film de Kuriyoji qui s'appelle Au Fou, et de Kawamoto Kihachiro qui s'appelle La Maison en Flamme, en français et en japonais. Katako. Merci. C'est le troisième volet de sa trilogie sur l'absurde et sur les passions humaines. Alors on va parler de ces deux personnages importants. On va juste, je vous l'ai dit, dans une première demi-heure, 20 minutes revenir. Si on commence, alors ça va être un dialogue, je remercie Hélène de se prêter au jeu parce qu'on n'a rien répété avant. Donc des fois, je vais le couper, lui dire « Ah, donc tu parles de quoi ?» etc. Donc voilà, donc merci à lui de se prêter au jeu. Si on regarde sur certaines histoires, le premier film, la première tentative remontée à 1916, est-ce que... On sait maintenant si c'est avant ou est-ce que... C'est un peu compliqué. Il y a les réalisateurs japonais qui commencent à travailler en animation sont ceux qui ont découvert les films d'animation étrangers, puisque le cinéma d'animation, comme le cinéma, comme la photographie, arrive au Japon des pays étrangers. C'est un registre exogène, si on peut dire. Et donc les photographes japonais se forment effectivement avec des photographes étrangers qui arrivent à Yokohama, qui couvrent des ateliers sur place ou à Nagasaki. Pour le cinéma, sont les opérateurs, notamment les opérateurs lumière, qui dès 1896 arrivent au Japon à la fois pour montrer des films et pour faire des prises de vue. Donc les Japonais découvrent ces techniques étrangères. En animation, à la différence du cinéma en prise de vue réelle, ce sont uniquement les films qui arrivent. Donc on a différentes théories sur les films, les premiers films d'animation à avoir été montrés au Japon, puisque on a des titres qui subsistent dans des documents, donc de ce qui a été projeté dans telle ou telle salle. Les films, eux, ne subsistent plus, donc ils ont été perdus, comme ça a été souvent le cas dans les premiers âges du cinéma. Et donc les titres, on les a évidemment en version japonaise, des titres avec des traductions plus ou moins un peu fantaisiste, un peu libre, et donc on se dit mais ce titre-là, quel film ça peut être? Et donc certains affirment que le premier film d'animation dont on a trace effectivement d'une projection au Japon serait un film d'Emile Cole, en 1912, on n'en est pas sûr évidemment, et donc du coup, les premiers réalisateurs japonais, découvrant ces films, n'ayant aucune idée de la manière dont ils sont réalisés, ont uniquement eu le support donc des bobines, éventuellement auxquelles ils ont peut-être pu accéder pour voir que, image par image, il y avait une légère différence en jeu sur ces différents dessins. Et donc, ils se lancent à leur tour dans ce travail-là, de manière autodidacte, de manière totalement naïve, ingénue. Et donc oui, les premiers, donc c'est vers 1916, effectivement, qu'ils commencent à travailler sur ce... Les premiers films sont terminés début 1917. Cette historiographie-là, elle-même, effectivement, est sujette à variation. On a découvert, il y a quelques années, effectivement, une bobine très très courte, vraiment je pense c'est moins d'un mètre, hein, c'est quelques dizaines d'images, d'une séquence comme ça très courte de films. D'un petit personnage de marin qui se retourne, qui se met au garde-à-vous. Donc c'est quoi? C'est quelques secondes, c'est peut-être 3 ou 5 secondes de film qui datent de la toute fin de l'ère Meiji, donc des années 1900 et quelques, 1900 peut-être un petit peu avant 1910. Est-ce qu'on le considère comme le premier film ou pas? C'est un exercice comme ça, c'est le fait de dessiner quelques images. Est-ce que c'est un film ou non? Alors c'est une question qui se pose. Les premiers films donc ont fait l'objet d'une découverte plus ou moins miraculeuse quand même, puisqu'il y a trois pionniers du cinéma d'animation au Japon, dont qui ont tous terminé un film en 1917. On a retrouvé il y a de ça 5 ans, c'est dans le cadre d'une brocante, c'est comme ça, un chercheur a retrouvé deux films. Le premier c'est Namakura Gatana, c'est-à-dire c'est l'épée émoussée, le sabre émoussé. C'est un film de Koichi Junichi, donc c'est le deuxième, le film le plus ancien selon l'historiographie, donc qui a eu cours jusqu'à présent. Et puis un film qui raconte l'histoire de Urashima Taro, cette histoire très très célèbre de d'un homme qui va partir dans explorer l'au-delà des mers, un pays sous-marin où ses vœux vont être exaucés et qui va vouloir rentrer chez lui. C'est une fable assez ancienne du Japon donc, et c'est un film qui date de 1918 qui est dû à Kitayama Seitaro, donc qui est le troisième pionnier. Voilà. Est-ce que comme dans tous les autres pays, ces pionniers-là sont des caricaturistes ? Il y a un peu de tout. Effectivement, il y a des dessinateurs qui sont dessinateurs satiristes. Effectivement, Kitayama est un peintre de l'école occidentale. Koichi donc lui va réaliser des films jusqu'au début des années 30. Il est caricaturiste effectivement. Il va faire des films de promotion, notamment pour des hommes politiques, des choses comme ça. Kitayama lui va arrêter très rapidement puisque après le grand tremblement de terre de 1923 qui va ravager la zone du Kanto et donc en particulier va quasiment réduire à néant la ville de Tokyo. Lui va partir, il va quitter son studio donc il avait un studio donc du côté de Mukojima, donc c'était de l'autre côté du fleuve dans la ville basse. Il va complètement donc se retirer du cinéma d'animation, il va partir donc dans une autre direction. C'est un point commun de ces différents réalisateurs de la première génération qui ont été des pionniers, c'est d'avoir été des dilettantes. C'est-à-dire qu'ils ont essayé ils se sont essayés à cette exploration formelle, à ce registre nouveau. Et puis très vite, ils ont passé à autre chose au bout de quelques années. Alors avec comme conséquence de leur travail, qu'ils ont formé les uns les autres évidemment des disciples. C'est le cas évidemment autour de Kitayama avec un certain nombre donc de réalisateurs de la seconde génération, parmi lesquels par exemple Yamamoto Sanae qui va être l'un des grands fondateurs du studio Toei après la guerre. C'est le cas avec Koichi Junichi qui va former l'un des plus grands réalisateur de l'époque suivante, qui est Ōfuji Nobuo. Et donc voilà. Le fameux donc tremblement de terre de 1923 détruit quand même une grande partie de la production, où il y a encore des choses. On a réussi, comme tu le dis, il y a quelques films de 1916. C'est des choses qui sont visibles aujourd'hui. Ou alors non, ces deux films qu'on a retrouvés là en brocante sont un peu, c'est vraiment exceptionnel parce que tout a été quasiment détruit. C'est vraiment exceptionnel. Les films les plus anciens dont on dispose. Dont on disposait jusqu'alors, sont des films des années 20, en gros des années 1924. Très clairement, l'année 1923 est une rupture. Indépendamment du caractère inflammable des bobines de cinéma à l'époque, c'est vraiment la ville en elle-même qui est ravagée. On a du mal à imaginer ce que représente ce type de destruction. C'est vraiment un événement comme la guerre. Il n'y a pas de raison de remettre en cause, de douter de ce qu'affirment les historiens quand ils expliquent à quel point effectivement ce type d'événement marque vraiment effectivement la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. C'est-à-dire que les films dont on a trace, par exemple, il y a un des premiers travaux d'un réalisateur en prise de vue réelle qui s'appelle Uchida Tomu, qui a été très connu donc après la guerre, et qui l'a réalisé en animation, un film de silhouette, qui date de 1924. Il y a les premiers essais d'Ōfuji datent de 1924 aussi, ceux qui y subsistent. Donc ces films d'avant 1923 qu'on a retrouvés, ces deux films, sont vraiment c'était des jalons perdus, des chaînons manquants, ils ont été donc très rapidement effectivement intégrés, restaurés par le Film Center, le National Film Center à Tokyo. L'équivalent de la cinémathèque française, donc pour le Japon, et ils font partie, donc ils sont actuellement diffusés dans la collection permanente, donc dans l'exposition qui se tient donc au 8e étage, donc du Film Center, donc près de la gare de Tokyo. Qui est juste étonnant, puisque à la différence de la cinémathèque française, l'animation fait partie intégrante un petit peu, c'est quand même de cette exposition, alors que ici, à part une petite chose, enfin quand je suis allé il y a longtemps de McLaren, parce que il y a une lettre de Truffaut lui disant son admiration, alors que c'est vrai que c'est surprenant de voir autant d'animations quand même. Tezuka fait partie, enfin. Il y a Tezuka, il y a Ōfuji, puisque les biens d'Ōfuji ont été cédés par sa sœur aînée après sa mort donc au Film Center. Ils font partie de la collection du Film Center. Il y a des travaux d'Okamoto Tadanari, donc l'un des géants du cinéma d'animation de marionnettes ou de semi-volume qui reste scandaleusement inconnu en dehors du Japon, des travaux effectivement du studio Toei, du studio Mochi Production de Tezuka, et puis il y a des événements temporaires. Le Film Center a organisé par exemple en 2004, là je vous ai amené le dépliant de ce cycle, durant l'été 2004, sous l'intitulé donc Histoire du cinéma japonais d'animation, une rétrospective d'une ampleur sans précédent. Le Filmsetter a été fondé en 71. Il avait consacré dès les premiers mois de son activité un cycle rétrospectif au cinéma d'animation mondial. Ensuite, en 78, il avait organisé effectivement une rétrospective sur l'animation japonaise. Il y en avait une autre en 1988. Et donc, c'est presque un quart de siècle qui s'est écoulé ensuite. Et donc, cette rétrospective d'une ampleur sans précédent montrait 230 films d'animation, des origines au début des années 60, avec également parmi les films montrés, une très grande rétrospective consacrée à Okamoto Tadanari, avec l'intégralité de ses films, et à Kawamoto Kiyoshiro, donc le réalisateur de La Maison en Flammes. Et puis, donc, ça avait été également l'occasion d'une exposition absolument exceptionnelle sur les films d'Okamoto Tadanari, donc ce cinéaste qui nous est totalement inconnu. Ils avaient reconstitué des sets, donc des décors de films de marionnettes avec le pont de force, par exemple, ce pont suspendu qui a servi de cadre pour un film adapté donc par Okamoto d'après un récit de Lafcadio Hearn, un de ses récits fantastiques, donc de ce grand voyageur qui a fini sa vie au Japon et qui a redonné une nouvelle vie justement à ces récits fantastiques japonais qui étaient un peu tombés en désuétude. Il les a réinterprétés, réécrits. Il a eu une existence tout à fait singulière. Pour ceux qui connaissent le Kwaidan de Kobayashi, Tout à fait. Donc voilà, il y a eu ensuite l'an dernier une grande exposition temporaire consacrée justement à l'œuvre d'Ofuji, également au Film Center, donc avec des éditions en DVD de ces films qui ont enfin pu être accessibles au grand public. Vraiment, il y a une effervescence autour du film d'animation dont on va parler, je pense, de manière plus précise. Donc on a trois noms. Nous, on a eu une chance quand même, à un moment donné, d'avoir une rétrospective à la Maison de la Culture du Japon. Oui, en 2002. À Paris, voilà. Il y avait trois noms qui étaient ressortis, qui étaient Nobuo Fuji, Masaoka Kenzo. C'est difficile de tenter de bien prononcer en face d'Ilan du japonais, et Seo Mitsuyo. Oui. Donc c'est trois des noms de cette seconde génération qui, eux, passant au-delà donc ils de 23, même... 24, ouais. Oui, c'est-à-dire que Ofuji, lui, appartient à cette seconde génération, effectivement, qui va faire du cinéma d'animation sa vie. C'est le cas aussi de Masaoka, mais Masaoka lui commence à travailler dans les années 30, et donc entre quelqu'un qui a commencé dès l'âge de 18 ans Ofuji, donc à travailler dans ce cinéma, donc il a commencé à être assistant de Koichi avant le tremblement de terre. En réalité, il a fait ses premiers essais par la suite, donc effectivement après le tremblement de terre, le fait que cette grande catastrophe lui a permis effectivement de prendre son indépendance et de s'essayer effectivement de fonder son studio en 1925. Et ça peut sembler minuscule, c'est-à-dire les premiers travaux donc de Fuji en 1924, ceux de Masaoka en 1930. En réalité, il y a un gouffre entre ces deux dates, parce que Masaoka va faire son premier film donc en 1930 avec des papiers découpés, mais très vite, dès son second film, dès ses travaux suivants, on va commencer à s'intéresser au cellulo. Ofuji, lui, a travaillé donc avec des papiers découpés, et notamment donc ce qu'on appelle le chiogami, c'est-à-dire un papier traditionnel japonais qui est très beau visuellement, parce qu'il s'agit de papier imprimé avec des motifs colorés. Et donc lui va se servir de ce papier-là, de ces motifs colorés, de ces motifs parfois des fleurs, des choses comme ça, qui peuvent être très concrets et qu'il va placer dans ses films. Donc il va garder cet aspect concret. Parfois ça peut tendre vers l'expression très facilement. La grande différence, c'est aussi le caractère, comment dire, c'est ce gouffre, cette césure entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Et puis, par ailleurs aussi, ensuite dans les années 30, cette distinction entre le cinéma en noir et blanc et le cinéma en couleur. Ofuji a commencé à une époque, effectivement, le cinéma et le cinéma muet, où la seule technique accessible en animation pour les Japonais, c'est le papier découpé. Et il va acquérir un niveau de maestria dans ce domaine-là qui est saisissant. Il va aussi avoir une époque dans les années 30, une époque qui sera caractérisée par le travail du cellulo, qui s'inscrit très largement et très directement dans la lignée des frères Fleischer. Il y a vraiment une animation très fleischerienne chez Ofuji dans les années 30. Les frères Fleischer, juste pour préciser, Betty Boop, hein, voilà, Popeye, tout à fait. Et qui, à mon sens, c'est une forme de perdition pour lui, parce que tout ce qu'il a construit sur le plan stylistique avec le papier découpé se perd, et donc tout ce qui devait trouver une forme de solution graphique et cinématographique à la limitation du mouvement, sous forme effectivement donc de solution stylistique, eh bien, est perdu. Il rentre dans une animation comme ça, sans limite, qui bouge sans arrêt, qui est totalement fluide, qui est totalement grisé par le ce que rend possible sur le plan technique effectivement ce support de cellulo. Et donc, alors même qu'il a aussi exploré le film Silhouette, qui est une autre forme de cinéma d'animation en papier découpé, et qu'il a établi d'emblée, dans les années 20, aussi une patte qui lui est propre dans, cette technique-là, tout ça est passé par pertes et profits, par refuge dans les années 30, et jusqu'aux années 40, et même jusqu'aux années 50, il va continuer à travailler à des films d'animation sur cellulo, et d'autre part à des films d'animation en papier découpé, ou en silhouette. Et donc il y a une espèce de caractère protéiforme du travail de Fuji, alors que Masaoka, lui, va donc commence d'emblée à travailler. Le premier film de Masaoka montre clairement qu'il est il est pas sonore au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire que c'est pas encore un film sur lequel la bande son fait partie donc de la bobine. Il est mais il est prévu d'emblée pour une diffusion sonore. C'est un film qui dure presque une demi-heure. Il dure 27 minutes, c'est L'île aux singes. Et donc, très clairement, il est étiré dans une dimension, alors que même c'est sa première expérience de cinéma d'animation, il ne passe aucun aspect de dialogue sous forme d'ellipse. Tout est là, donc le temps du film est fait pour que, effectivement, l'ensemble des dialogues puissent être prononcés. Et donc, tout le cinéma de Masaoka va être un cinéma d'animation en noir et blanc. Et tout son cinéma par la suite va être un cinéma sur cellulo, donc il va pousser à ses plus hauts sommets l'animation, enfin le dessin animé sur cellulo. Donc alors même que Masaoka a aussi travaillé par exemple effectivement avec du papier découpé, qu'il va également faire de l'animation de silhouette, qu'il va également faire de l'animation de marionnette, lui il va aller au bout d'un seul registre effectivement, et tout en expérimentant les autres. Alors que Ofuji, on sait que Ofuji a travaillé dès les années 30, dès 1937 par exemple, à un film d'animation en couleur. Ce que Masaoka n'explorera jamais. Par ailleurs, donc le troisième nom qui est cité, c'est celui de Mseo Mitsuo. C'est un personnage qui est beaucoup plus paradoxal, dans la mesure où il a fait ses débuts dans cette société qui s'appelait Pro Kino, c'est-à-dire du cinéma prolétarien, qui va faire l'objet effectivement dans les années 30 au Japon d'une répression, comme toutes les formes d'expression vont être soumises à une censure parfois très très dure, et tous ceux qui feront preuve effectivement d'une forme d'engagement politique, ne serait-ce que de lire les écrits de Marx en japonais, vont être sévèrement pourchassés, et certains d'entre eux jetés en prison, certains finiront leur vie en prison, certains vont être tués en prison. Donc il y a toute cette histoire des années 30 qui sont cette marche à la folie de la guerre, cette escalade. Et alors même que donc il avait fait ses débuts donc dans le cadre de ce cinéma prolétarien, Seo va rejoindre Masaoka, va se faire le disciple de Masaoka pour découvrir le cinéma d'animation auprès de lui. Et c'est Seo Mitsuo qui va par la suite effectivement être l'un des grands réalisateurs des films de propagande militaire, ouais. Donc avec ces séries donc des séries de dessins animés qui sont alors il y a Norakuro, donc d'après les bandes dessinées donc de Tagawa Suiho, il y a la série des dessins animés sur le 5 Kichi le singe avec les différentes attaques. Donc toutes ces années 30 sont marquées par la production de propagande sous le couvert de métaphores animalières. Donc il y a les singes japonais contre les ours chinois, etc. Enfin, bon. et les souris, oui, américaines, voilà. Hein, comme par exemple. Juste, excuse-moi, je te coupe, mais parce que c'est intéressant. Moi, la première fois, j'ai découvert les films, les premiers films, comme ça, oui. Il y a un coffret japonais très intéressant. Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai cru voir que dans ce que tu as montré, en tout cas, dans les premiers, on avait beaucoup d'êtres humains. Ce qui n'était pas forcément le cas, en effet, déjà aux États-Unis, ou un petit peu plus en France, avec des films comme L'Idée, ou avec. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sur l'humain, et qu'en effet, avec la guerre arrivant, on va plus là, oui. Filer la métaphore animalière, comme tu dis. Est-ce que c'est oui, vrai des, ou est-ce des... que. Oui, oui. Ben, les premiers films sont des films qui mettent en scène des humains, effectivement. Donc, le sabre rouillé ou Dashimataro, ou alors les films de la seconde génération, Kimura Kakuzan, par exemple. On parlait au mois de mars. Lors de cet hommage qui a été donné ici donc à Monsieur Katayama, de ce film qui s'appelle donc Akagaki Genzo, la coupe de l'adieu, c'est un film qui met en scène que des personnages humains, donc c'est une sorte de d'éloge des vertus des guerriers. Il y a tous les films de Murata Yasuji. Alors il y a des films qui sont animaliers parce que les Japonais peuvent effectivement s'emparer et transposer via le cinéma d'animation un certain nombre de contes, de récits folkloriques. Il y a bien sûr ces histoires sur les renards, les tanuki, les singes, les lièvres, tout ce folklore qui vient de... Mais qui font partie du folklore, c'est différent, c'est-à-dire que c'est pas un jeu avec, tiens, on va prendre un animal, oui, on va le mettre en... Oui, il s'agit pas de métaphore, humain. Effectivement, voilà, c'est tout pas... à fait. C'est encore autre chose, mais les deux coexistent d'emblée. Et c'est vrai que la plupart des films de Mulata Essoudji, par exemple, qui est un des grands réalisateurs qui est inconnu ou quasiment inconnu de cette seconde génération, sont des films qui mettent en scène effectivement donc des personnages humains. Il y a le, par exemple, le Kobutori, c'est là aussi un conte classique avec le bon vieillard, le mauvais vieillard, effectivement, qui ont chacun effectivement une sorte de déformation faciale et qui vont l'un d'entre eux en être libéré et l'autre non, par les démons. Mulata Essoudji, c'est un de ces cinéastes d'animation, un de ces dessinateurs d'animation qui, moi, m'évoque vraiment une figure comme Winsor McCay au niveau graphique. Il y a vraiment, voilà, il y a un sens du graphisme chez Mulata Essoudji qui est prodigieux et qui forme sa patte d'emblée. Les films de Mulata, on les reconnaît d'emblée, et il y a vraiment cette jubilation graphique et animée. Lui fait partie de ce groupe autour de Kitayama Seitarō, donc avec Yamamoto Sanae, avec d'autres. Entre ces différents parcours qui tissent des fils qui se croisent, se recroisent, effectivement, il y a des collaborations. On sait aujourd'hui, par exemple, que Ofuji et Masaoka se sont croisés parce qu'on a des photos, on les voit tous les deux, mais ont travaillé aussi à des films. Ils ont travaillé, on a dans les filmographies qui existent aujourd'hui, 3 titres de films qui ont été réalisés en commun par Ofuji et Masaoka. Et la cinémathèque japonaise a retrouvé un de ces films, un de ces 3 films. Et c'est très curieux parce qu'il s'agit en fait d'un film. Je vais vous le donner là, où est-il, avec Masaoka. Donc c'est une version du Saiyuki, c'est-à-dire du pèlerinage en Occident, du roi des singes. C'est un film de 34, alors même que Ofuji a fait une version lui-même déjà personnelle, individuelle, de Saiyuki, donc sous le titre Son Goku Monogatari, donc l'histoire du roi des singes en 1926. Ce film-là subsiste, on l'a. Et bien là, dans les années 30, c'est un film en cellulo, absolument... comment dirais-je, peu identifiable en tant que film ni d'Ofuji ni de Masaoka, avec encore un Mickey Mouse qui arrive en cours de route, évidemment, qui a un rôle de méchant, etc. Enfin bon, le roi des singes se déguise en Mickey Mouse parce qu'il est poursuivi par les... Bon bref, on est marqué, bien sûr, par l'époque, et c'est difficile, évidemment, de considérer ces films en faisant abstraction de l'époque. Les paradoxes qui sont ceux du parcours de Seo Mitsuo, qui va être le réalisateur donc des films Momotaro, donc Momotaro et les aigles en 42, puis qui est considéré comme le premier long métrage, voilà, et puis ensuite le Momotaro et le soldat divin, qui est le premier long métrage effectivement de la production animée japonaise, qui va sortir en salle, qui est terminé en 44 et qui va sortir en salle en 45, alors même que les villes sont déjà ruinées par les bombardements américains. C'est Seo qui va récupérer donc qui va se faire le chantre de cette production-là. En fait, c'est la marine en particulier, hein, l'armée japonaise, donc la marine qui produit des films, qui réunit donc les animateurs pour les faire travailler à des productions de propagande. Ces films-là sont, il y a des films qui sont de propagande très grossière et qui du coup nous apparaissent dans toute leur ce caractère justement très emporté, très mal dégrossi et qui se dénoncent d'eux-mêmes. Et puis il y a des films qui sont plus subtils. Et qui gardent quand même des qualités par ailleurs, qui sont pas qu'on peut pas réduire simplement à la propagande. Sur les questions de propagande, bien sûr, il y a les travaux de Sébastien Roffa, donc sur l'animation américaine et européenne en particulier. Il traite un petit peu aussi de l'animation japonaise, mais ça reste un domaine qui sur lequel, ouais, effectivement, ouais, les films sont ont été montrés, donc un petit peu. Il y a eu ces 7 programmes qui ont été montrés par la MCJP en 2002, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Effectivement, les films de chez Akka Film, donc cette compilation de 8 films qui a été édité aux États-Unis l'an dernier. Il y a eu également une compilation au Japon en 4 DVD, un coffret qui a été édité par les éditions MIM, avec des sous-titres en anglais et un certain nombre d'autres langues asiatiques. Ouais. Donc voilà, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Alors juste avant de faire une petite pause, et après, avant de parler, c'est là où l'animateur se rend compte évidemment qu'il faudrait 4 heures d'émission. Quand on a un puits de savoir comme ça, c'est tellement passionnant qu'on se dit c'est vraiment presque dommage de devoir passer trop rapidement, et j'en suis le premier, désolé. Juste une théorie, c'est quelque chose qui m'épate, c'est donc le tombeau des Lucioles, oui, avait été montré dans certaines salles avec Totoro. Oui, qui était au Japon. Au Japon, voilà. Ce qui, oui, était absolument... Ce qui est absolument invraisemblable en France, où tous les parents écriraient en disant « mais vous voulez martyriser nos pauvres enfants ». Juste pour ceux, hein, rapidement, le tombeau des Lucioles, Totoro, c'est une jolie créature, film de Miyazaki, Hayao, alors que, même si ça peut raconter des choses un petit peu dures aussi dans Totoro, mais alors que le tombeau des Lucioles, bon, vous l'avez quasiment tous vu, hein, c'est cette histoire très très dure d'orphelins pendant la guerre au Japon, enfin juste à la sortie de la guerre au Japon. Juste, est-ce que le fait que très tôt, d'où vient cette rencontre avec l'image qui est complètement différente entre le Japon, quelque part, je ne sais pas pour le reste de l'Asie, j'oserais pas me prononcer, mais l'Occident et notamment la France, où on peut montrer à des jeunes enfants un film comme Le Tombeau des Lucioles, et pas en France. Est-ce que c'est une meilleure compréhension de l'image animée, une meilleure adaptation ? Non, je crois pas que ce soit. Enfin, c'est difficile de le généraliser. C'est un choix qui est personnel à un moment donné, hein, et qui correspond à la fois effectivement au parcours de son réalisateur à ce moment-là, un certain nombre d'enjeux de ce moment-là. Et c'est un saut, c'est le franchissement d'un palier que Takahata résume très bien dans un texte que j'ai traduit autrefois pour un travail universitaire. Et qui me semble, moi, un texte absolument incroyable. On m'a dit, lorsque c'était lors de la soutenance à l'égard de cette étude, que ce texte-là n'avait finalement rien d'extraordinaire, d'un point de vue de l'histoire de l'art, peut-être, mais pour le cinéma d'animation, le choix par Takahata, donc dans la deuxième moitié des années 80, c'est-à-dire 40 ans après la fin de la guerre, d'affronter l'enjeu effectivement et pour montrer à un public enfantin effectivement ce qu'a été la guerre dans un propos qui est avant tout naturaliste effectivement, très peu enjolivé. On sait que en littérature, dans d'autres registres, les œuvres qui ont le plus de valeur sur le sujet de la guerre sont parfois des œuvres qui, la plupart, la quasi-totalité de ces travaux ont été publiés en réalité après la guerre, parfois très longtemps après la fin de la guerre. La nouvelle de la tombe des Lucioles a été publiée en 67, donc c'est-à-dire plus de 20 ans après la guerre, et il y a eu encore ce saut, ce palier, donc encore 20 ans plus tard, pour l'adaptation en animation. Et ce texte de Takahata, ce texte d'intention, qui s'intitule donc La tombe des Lucioles et les enfants d'aujourd'hui, s'inscrit vraiment dans le fait de dire que lui-même revient sur son parcours et dit: nous avons travaillé, nous autres, en animation, en dessin animé, à montrer des personnages enfantins qui parviennent à surmonter toutes les adversités. Les destins les orphelins, les Heidi et les Marco qui partent à l'autre bout du monde pour essayer de retrouver leur mère dans la pampa argentine, etc. On a décrit les aventures d'enfants qui parviennent à aller au-delà de toutes les difficultés, mais finalement on se rend compte qu'il existe des difficultés qui sont insurmontables, et donc au premier chef la guerre, et ça a un sens de représenter ça également en animation. Et ça a l'air de rien, évidemment, pour l'histoire de la peinture. La peinture de guerre au Japon, c'est un registre en soi aussi, effectivement. Il y a une manière de représenter la guerre. Mais en animation, c'est un domaine qui est resté. Par exemple, quelle production disneyenne ou de n'importe quel autre grand studio commercial occidental choisi à un moment donné de franchir ce palier, de se dire on va faire de la guerre, de la représentation de la guerre, un enjeu central d'un film? À ma connaissance, aucune. Enfin, en dehors des productions de propagande, effectivement, qui disent pourquoi nous combattons, comment est-ce que la victoire est sur la power, tout ce qu'on voudra, comment est-ce qu'on va les écraser, etc. La guerre en tant que telle, dans sa cruauté, dans son caractère infiniment destructeur, non seulement de la vie humaine, mais des conditions même de l'existence au quotidien et de tout ce qu'on partage comme idée élémentaire de ce qui forme une communauté humaine. Comment effectivement la cruauté devient l'ordinaire, comment les liens se distendent et comment c'est ordinaire, c'est ce qui est le plus ordinaire qui soit, que de laisser deux enfants mourir comme ça. Voilà, c'est quelque chose que par un choix individuel à un moment donné, Takahata donc choisit de représenter. Il se dit, c'est une question qui s'est posée, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut montrer à un public enfantin? Et au terme de sa réflexion, sa réponse c'est oui. Donc c'est un choix, comme tu le dis, individuel, et il n'empêche qu'on peut dire donc quand même qu'au niveau de la représentation de l'animation, du dessin animé au Japon, il y a quelque chose d'autre qui n'a pas forcément ici Persepolis ou Valsaïk Bachir va passer comme quelque chose d'exceptionnel, et ça le reste, hein, c'est pas pour l'enlever. Là-bas, on aime ou on n'aime pas. Je suis pas en train de dire que les longs métrages de Crayon Shin-chan ou Détective Conan sont forcément très belles choses dans Shin-chan. Voilà. Moi, je parle pas forcément même de la qualité, mais ces films-là, à chaque fois que je regarde le box-office, il est pas rare chaque semaine d'avoir au moins dans le top 10 un film d'animation dans le top 10. Alors après, il y a des choses qui sont qui relèvent des conditions générales de la production au Japon et qu'on peut relier aussi au développement historique de la bande dessinée, qui est différent d'une autre. En France et en Europe, on a un rapport à la bande dessinée, par exemple, au cinéma d'animation, qui est un rapport binaire. C'est-à-dire on a une image qui relie ces registres-là de manière essentielle et privilégiée à l'âge de l'enfance, et on se dit à un moment donné, il faut en finir avec ça. Comme on jette ses jouets, etc. C'est l'histoire des représentations, effectivement, de la progression en âge et du rapport à ces différents registres en fonction de l'âge tel qu'il s'est construit jusqu'aux années 60, 70. Et en réaction par rapport à ça, il y a eu ce mouvement, effectivement, en BD avec avec des revues, donc Metal Hurlant et autres, etc. Des revues adultes, c'est-à-dire des revues qui sont l'antithèse de la production pour enfants. Donc en France et en Europe, il y a un cinéma d'animation d'auteur qui a aussi comme ça rejeté très fortement le public enfantin. Donc on fait ce qui est nécessaire pour que ça ne puisse pas être compatible avec le public enfantin. Donc il y a une négation, une dénégation, un rejet, une prise de distance radicale comme ça. Et donc on a deux extrêmes. Au Japon, c'est très très différent. En bande dessinée comme en animation, il y a une progression naturelle en âge, et puis il y a une évolution de la production qui s'adresse progressivement, petit à petit, à des âges de plus en plus avancés. Donc, il y a des étapes très clairement. Il y a ne serait-ce que l'animation de science-fiction entre Tezuka, entre les robots mal dégrossis, les robots baquets de lessive de Nagai dans les années au début des années 70, et puis le robot réaliste quand on arrive effectivement avec Gundam ou des séries ultra dramatisées et presque propagandistes effectivement avec tous les relents que ça peut induire tel que Yamato, mais on s'adresse à un public adolescent mais qui commence déjà à être effectivement jeune adulte, et donc petit à petit on évolue en âge, la production évolue dans son discours, dans son propos, dans les thèmes qu'elle prend à bras le corps avec au fil des ans avec le public auquel elle peut s'adresser. Et donc c'est parce qu'il y a matériellement les conditions de réception et qu'il y a un public auquel on considère qu'on peut s'adresser et qu'on va pouvoir entraîner donc dans le flot de ces productions là que, eh bien, commercialement parlant, donc ces productions sont viables. Et donc, voilà, il y a une évolution, effectivement, là, presque sociologique, qui peut être mise en avant. C'est le moment donné qui est dur. Je vais quand même couper, parce qu'il faut faire une pause musicale. Je suis pas sûr qu'on parle autant de la nouvelle génération que ça, mais c'est pas grave, c'est passionnant. Donc, j'espère voilà, que ça vous passionne aussi. Et on va continuer à parler là-dessus. Peut-être qu'on parlera de la nouvelle génération. De toute façon, voilà, Florentine, tu sais, si jamais on a une émission en plus, et si à un moment donné, Ilan peut revenir, et il a tellement de choses à dire que c'est passionnant. On va continuer dans notre, pas exploration, mais en tout cas, quelque chose d'un petit peu plus léger au niveau de la musique. Ouais, on va un petit peu la changer. On va écouter la piste 6, 7, 8. Non, 6. Je sais pas où on en est, dis-moi. On a écouté 1. Non, on a 2, 3, 4. 2, 3, 4. On en est à 5. Donc, on va écouter la 5, et je pense la 6. Et la 7, en fait, ça fait 4 secondes, il y a une erreur au niveau du truc, donc 5 et 6, on va dire. Voilà. Non. Je crois qu'on va écouter. Oui, 5 et 6, allez. Après ce professionnalisme de Ilan, vous dites tous, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est 5, 6 et 7. Je te dirai de toute façon quand on sera. Mais on lance et puis on verra bien. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, bien évidemment, Bulle de rêve, on écoute. Mademoiselle de Rochefort, je crois. Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien, rien, rien, rien, rien. Les artistes et que l'amour dicte sa loi. Atamayama. ケチな男がおりやした。 Donc vous êtes toujours Bulle de rêve sur Radio Libertaire 89.4. Allez, je redis 01 43 71 89 40 pour le téléphone du studio. Vous avez entendu les Demoiselles de Rochefort, Michel Legrand, hein, sublime avec la chanson de Delphine à l'ancien. Je vais pas me lancer. La chanson d'Andy, Jane Kelly qui chante pas, mais sublime dans le film. Et juste après, on a entendu un morceau alors là d'un. On va en parler à la fin parce que c'est monsieur très important, le début du film Atamayama. Le bon chef. Bon chef, voilà, de Koji Yamamura, on va en parler. J'aimerais quand même qu'Ilan Nguyen, qui est là, qui nous parle du cinéma japonais, pendant que Florentine nous mitraille de photos et de vidéos. J'aimerais qu'on parle quand même un petit peu, pas trop longtemps, même si c'est passionnant, de ce qui s'est passé juste à l'après-guerre, et notamment le fait que on voit peu de courts-métrages, j'ai l'impression. Alors par contre, il y a la Toei Animation qui se met en place, il y a Tezuka. Et dans les années 50, et nous on connaît mal en tout cas. Oui, voilà, oui. On connaît cette partie-là. il y a plusieurs chapitres qu'il s'agira de d'essayer d'articuler et comme toujours c'est très schématique, mais la fin de la guerre marque au Japon l'entrée dans une période qu'on a du mal à visualiser, à concevoir pour nous autres, tout simplement parce que malgré toute l'horreur de la guerre et tous les stigmates qu'elle a laissés dans un pays comme la France est un pays qui sort vainqueur de la guerre malgré tout. Et donc de ce point de vue-là, il est toujours très difficile d'imaginer ce que peut être la réalité de l'après-guerre dans les pays qui eux sont sortis défaits de la guerre. Et donc pour l'Allemagne, pour l'Italie, on a des images, évidemment ce qu'a tourné Rossellini, etc. On a des images du cinéma qui nous montrent ce qu'a pu être cette époque, même si c'est du cinéma, donc c'est pas forcément. Il y a des images documentaires qui existent pour le Japon aussi, mais qu'on connaît beaucoup moins bien. Et pour le cinéma d'animation, c'est la première. Les années 45 à 52, en gros, sont des années d'occupation par les troupes américaines. Le Japon, pour la première fois de son histoire, est occupé par une puissance étrangère qui instaure une censure, qui va gérer l'ensemble de la vie publique. Et donc, les Américains réunissent pour eux ces pratiques à la suite de ce qu'a fait l'armée japonaise, la marine en particulier, en essayant de regrouper la profession pour la faire travailler à des films, des productions ambitieuses de propagande. Là, on se dit, on va les réunir et comme ça, on les aura sous la main. Et donc, il y a une sorte de virage vraiment formel qui est très étonnant parce que on passe d'une forme effectivement de discours à une forme très très différente. La censure américaine passe par des trucs absolument délirants. C'est en termes graphiques, par exemple, dans tous les récits illustrés pour enfants, on n'a pas le droit de représenter les sabres, parce que les sabres c'est le symbole de la guerrier de l'époque d'avant, qui peut inciter effectivement à la rébellion contre l'occupant, etc. Donc on raconte des histoires sans sabres. Bon, des histoires, et là c'est la même chose en animation évidemment. Donc on passe à des histoires qui sont des histoires qui sont très animalières, très très cartoonesques au sens américain du terme, avec effectivement le méchant loup, etc. Enfin des trucs qui sont du coup qui peuvent être assez étonnants. Et puis il y a des explorations formelles qui se mettent en place à ce moment-là. En 1956, donc, commence l'histoire du studio d'animation de Toei, avec le rachat de cette petite compagnie qui était Nichido Eiga, donc, qui avait été fondée autour de Masaoka, mais après déjà le départ de Masaoka. Ce rachat, donc, lui, est parti au tournant des années 50. Les premiers films d'animation de marionnettes sont réalisés effectivement dans les années, au tournant des années 50 aussi, avec Mochi Nagatarehito qui revient de Chine après avoir participé à la fondation d'énormément de parcours en Chine aussi. Et donc voilà, à partir de milieu des années 50, on rentre dans une autre époque, c'est-à-dire on sort de l'après-guerre, de ces années zéro, de cette nuit de l'après-guerre, et on entre dans quelqu'un parlait l'autre jour des 30 glorieuses par rapport à l'égard du cinéma d'animation au Japon, ce qui à mon avis n'a pas de sens, parce qu'il y a au minimum cette décennie après 45 qui est vraiment radicalement différente, qui n'a rien à voir avec les 30 glorieuses. À partir du milieu des années 50, il y a un changement qui se met en place de manière très accélérée. En 56, donc, Toei démarre pour produire des longs-métrages. Entre 56 et 71, à Toei vont être produits 19 longs-métrages de dessins animés en 15 ans. Ouais. Ce qui n'a pas d'équivalent au monde. Ouais. Je veux dire, alors même s'il y a boire et manger, il y a des films qui sont de niveaux différents. Il y a dans cette production des films qui sont des films majeurs de l'histoire japonaise de ce cinéma. En 63 commence la série donc Astro le petit robot, donc de Tezuka, qui est la première série à diffusion hebdomadaire pour laquelle chaque épisode va faire 20 minutes. C'est 20 minutes de diffusion de dessins animés hebdomadaires, ce qui n'a pas de précédent là non plus au niveau mondial. Même les Postupillés, les Hanna-Barbera et autres ont toujours exploré des veines cartoonesques qui sont beaucoup plus courtes. Les Flintstones et autres, c'est quoi, c'est je sais pas si c'est 7 ou 10 minutes. C'est normalement oui, c'est plutôt 7 minutes. Voilà, on est dans le registre comique d'épisodes autoconclusifs indépendants. Tezuka très clairement introduit le registre dramatique dans le dessin animé télévision, et puis également la possibilité de faire des récits à feuilleton avec une histoire qui va se suivre chaque semaine, et donc pour lequel il faut avoir cette ampleur de 20 minutes chaque semaine. C'est complètement autre chose en termes de conditions de travail. Et puis l'animation d'auteur qui démarre effectivement au tournant des années 60 avec le groupe de Kuli, donc le trio de l'animation, Kuli Yoji, Manabe Hiroshi et Yanekihara. Un dessinateur, caricaturiste, un dessinateur de BD et un illustrateur, donc qui vont lancer une production autonome de films amateurs, de films non commerciaux, et qui vont trouver donc un lieu de présentation pour leurs films et vont créer ce mouvement de l'animation d'auteur qui existe encore aujourd'hui sous des formes assez différentes, mais à travers les décennies qui s'est propagé, et Kuli est toujours actif aujourd'hui d'ailleurs. On va reparler des trois œuvres, parce qu'il y a au moins, si Kuli Yoji, on le connaît un peu plus, on connaît plus mal les deux suivants, mm-hmm. Donc on va parler un peu plus de cela. Juste rapidement, la Toei, c'est là où il va y avoir notamment Takahata. Miyazaki, oui. Qui va s'y mettre, qui tout va à fait. Éclore, pareil pour Miyazaki. Est-ce qu'on a, on commence à avoir des projets qui sont certains, en tout cas un peu, tant dans la prise de vue réelle, très rapidement, dans les années 50, 60, oui. Des gens comme Oshima et Mamoru arrivent, et il y a un cinéma un peu plus politisé. Oui. Et on sait que quelqu'un comme Takahata, par exemple, est assez, peut-être pas politisé forcément dans ses films, mais il est assez dans la vie. Et ils ont un syndicat, ils ont créé un syndicat. Oui, alors c'est une jeunesse qui est politisée à l'époque au sujet de Toei, parce qu'effectivement ils fondent ce syndicat. D'ailleurs, ce syndicat a fêté son cinquantenaire là cet été. Donc c'est les tout débuts clandestins du syndicat commencent en 61. Il y a eu un premier syndicat à Toei qui a été créé par les animateurs, qui a été réduit à néant par la compagnie au bout de quelques semaines. Et donc ils ont la volonté de recréer un syndicat. Donc ils organisent des séances informelles qui sont des séances plutôt de rendez-vous culturels, en tout cas dans les annonces officielles, et qui en fait vont amener ce syndicat très clairement à avoir un rôle, ce que même désigne d'un rôle de salon culturel, finalement, qui va être un lieu de formation intellectuelle, esthétique pour eux. Au-delà de cette dimension politique. Alors après, Takahata dans son cinéma, on peut faire une lecture très très politisée du cinéma de Takahata. Je veux dire, Les Aventures de Holtz, Prince du Soleil, son premier long métrage, qui est le 14e long métrage de Toei, est son film peut-être le plus politique, mais que ce soit Pompoko, que ce soit le Tombeau des Lucioles, ce sont des films qui ont une dimension politique, je veux dire, d'engagement tout à fait net. Et indépendamment, je dirais presque, de ce que peut représenter l'âge d'or du cinéma japonais en prise de vue réelle dans les années 50, ou la montée de cette jeune génération des jeunes turcs de chez Shochiku et ailleurs, qui s'auto-baptisent du terme donc de nouvelle vague japonaise, en réaction effectivement à ce qu'est l'histoire du cinéma par exemple en France ou dans le monde à l'époque, ce sont des choses vraiment très différentes. C'est-à-dire que il y a une dimension rhétorique qui est assumée par ces jeunes cinéastes en prise de vue réelle, ce qui n'est pas le cas. Je veux dire, cette étiquette ou cette catégorie formelle, ce concept d'auteur qui est au cœur du problème. Et ce qui est très important de saisir pour des gens comme Takahata, comme Miyazaki, c'est qu'eux ne se définissent pas comme des auteurs. Ils récusent très clairement cette étiquette. Ils n'ont pas besoin de ça. Et c'est pas une situation, c'est pas une manière de se définir pour eux. Donc là, il y a une première différence avec justement cette idée de cinéma d'animation d'auteur autour de Kuli. Eux, Kuli et ses comparses, et un certain nombre de gens autour d'eux, donc à partir de là, se définissent clairement comme auteurs. C'est-à-dire dans un refus de la production commerciale, dans l'exploration d'une alternative, et donc le fait de se dire que la production individuelle, le fait d'être le seul réalisateur, le seul créateur de son film, et de lui insuffler sa patte individuelle en étant absolument à l'origine, et non pas sous la forme d'un travail collectif, c'est justement cette radicalité ou ce discours en porte-à-faux, cette distance par laquelle se définissent les premiers auteurs du cinéma d'animation. Alors justement, on a d'un côté donc les studios, donc oui. qui produisent Tezuka et Mushi Productions, donc ça c'est des grosses choses. On pourrait parler un petit mot quand même, parce que mais Tezuka est un petit peu ambivalent, c'est-à-dire que lui réalise aussi des films expérimentaux entre guillemets, c'est-à-dire qu'il se définit comme auteur et en même temps donne cette impulsion décisive à l'animation télévisée, donc l'animation commerciale. Lui a longtemps effectivement conçu le studio Mushi Productions qu'il a créé au début des années 60 comme un collectif d'auteurs. Et en réalité, très vite, le studio a été pris dans l'engrenage de la production télévisée, avec ses rythmes, avec ce gouffre dans lequel il est nécessaire, comme ça, chaque semaine, d'engouffrer de nouveaux épisodes de plusieurs séries en parallèle, les aventures de long métrage. Mais dès les années 60, effectivement, il réalise aussi des films de court métrage, de moyen métrage, qu'il présente aussi donc dans la salle, donc le Sōgetsukaikan, donc cette salle où Kuri et ses amis ont lancé leur mouvement en 1960. Donc ils se connaissent, il y a pas forcément d'un côté il y a Tezuka et de l'autre il y a des distances, les choses sont toujours beaucoup plus compliquées, moins binaires qu'on pourrait le souhaiter. Tezuka a une place, effectivement, il est accueilli par les animateurs du trio d'animation, en particulier après 1965. C'est-à-dire qu'il y a une série de présentations de films qui est celle du trio, et très vite ces travaux qui sont présentés suscitent des vocations, et donc on se dit que ces réunions qui d'abord consistaient à présenter uniquement les films des trois premiers auteurs s'ouvrent aux travaux des autres, et donc ça devient un festival du cinéma d'animation à partir de 65, parce qu'un certain nombre de critiques, d'ailleurs aussi les Matsumoto Toshio, les cinéastes expérimentaux qui sont encore en activité et qui ont une importance dans les années 60, peuvent critiquer très très rapidement le maniérisme justement d'un Kuli, et donc on s'ouvre au cinéma expérimental, au cinéma d'animation de la jeune génération en court métrage. et Tezuka présente des films à la fois pour certains d'entre eux, donc les premières présentations de ces films de court-métrage de manière autonome en dehors de du Sogetsu Kaikan, et puis ensuite également dans ce contexte-là. Dans les longs-métrages, et après pour enfin passer à l'indépendant, il y a des choses quand même absolument incroyables. Moi, j'ai vu récemment Cléopatra. Oui. Cléopâtre, où il y a des moments donnés qui sont juste oui, de l'abstraction. Ça... Il y a une scène d'amour oui. avec qui est presque aussi forte que Mind Game, si on veut, avec juste quelques traits. Tout à fait. Oui. Qui est quand même assez impressionnant. Donc la trilogie des Belladonna. Tout à fait. La trilogie des longs métrages, donc pour adultes de Tezuka à la fin des années 60 et au début des 70, c'est Cléopâtre, c'est Les Mille et Une Nuits et Belladonna qui vont marquer la fin du studio Mushi Productions que lui aura quitté entre temps, puisque lui il n'est pas partie prenante sur Belladonna. Il quitte le studio en cours de route. Oui, c'est une nouvelle aventure. C'est une manière pour Tezuka de s'inscrire effectivement en pointe, en disant voilà le long métrage. Il faut faire du long métrage, il faut s'adresser au public adulte. Ces films-là marquent un moment effectivement important dans la production de long métrage animé au Japon, mais marquent en même temps la fin d'une époque pour lui, puisqu'il va s'éloigner ensuite du cinéma d'animation pendant presque une décennie, c'est-à-dire jusqu'à la fin des années 70, il va se consacrer entièrement à la bande dessinée. C'est une des illusions qui découle effectivement de cette découverte pour lui que le studio Mushi Production qu'il avait conçu comme un collectif d'auteurs était devenu tout à fait autre chose et que lui n'avait plus il ne trouvait plus que ce qui le motivait lui et donc il va se retirer. J'avais une question qui me venait, il y a tellement de questions qui viennent, j'avais une question par rapport sur l'animation indépendante. Alors on va passer sur l'animation indépendante. Non, je voulais juste que tu nous dises un petit mot, allez, quand même, parce que c'est important, ça a été tellement critiqué sur les plus. Il y a des moins d'animation limitée qui est mis en place par Tezuka quand même. C'est un sujet qui est quand même très important et assez douloureux dans l'animation, on va dire. Tout à fait. Les plus ou les moins de l'animation limitée sont un sujet qui ne se limite absolument pas à la production japonaise, évidemment. On sait que les tentatives formelles qui ont été acclamées par toute une génération de critiques de cinéma et de cinéma d'animation dans les années à partir du début des années 50 effectivement donc pour ce qui est de la production de l'UPA on peut également mener très rapidement à des maniérismes, à des facilités, et quand on retrouve effectivement le tout venant de la production des Hanna-Barbera, il y a vraiment on voit bien que effectivement en termes d'animation limitée il y a à boire et à manger. Je veux dire le fait de choisir le choix de la limitation peut mener effectivement à des découvertes sur le plan formel, mais peut aussi facilement, même beaucoup facilement, être un renoncement et une pente vers le moins disant formel, quoi. Bon, mais sur ce point-là, plus que Tezuka, c'est un certain nombre de ceux qui vont s'engouffrer à sa suite dans cette production-là, qui vont pouvoir explorer les qualités d'une animation limitée. Tezuka n'est pas animateur à la base. Il est fasciné par le cinéma d'animation comme d'autres ont pu l'être, venant d'autres registres formels. Mais toute sa vie, il est dessinateur de bande dessinée. Il n'a pas, à mon sens, il n'a pas eu le même rôle, la même envergure en animation qu'en bande dessinée. Et c'est pas du tout l'insulter que de dire ça, parce que son rôle en bande dessinée est tout à fait, central, incontournable et massif. C'est vraiment, c'est la figure tutélaire par excellence de la production de bande dessinée japonaise. À partir de l'après-guerre. Donc, en animation, les choses sont un peu plus compliquées. Et l'animation limitée telle que la met en place Tezuka, donc au tournant des années 60, va être reprise et développée par un certain nombre de gens qui sont venus à l'animation par son studio. C'est-à-dire, il est décédé par exemple il y a quelques semaines, c'est Araki Shingo, l'animateur qui est connu en France pour des séries comme Lady Oscar ou Les Chevaliers du Zodiac. C'est Desaki qui est décédé aussi au printemps cette année, Desaki Osamu, l'un des grands réalisateurs effectivement issus de Mushi Productions, qui a travaillé sur des séries comme Cobra. Il faudrait parler de cette production commerciale d'une très belle réussite, justement en s'adressant à un public adulte de la science-fiction, avec la gouaille, avec une espèce de Jean-Claude Belmondo animé qui est tout à fait réjouissant et avec vraiment une réussite, alors que l'animation elle-même peut être très limitée. C'est le choix d'utiliser ces images à l'aérographe qui servent à intensifier des moments de pause, comme ça on se dit qu'est-ce qui va se passer, il y a une espèce de suspense. Le fait de jouer sur des mouvements de caméra qui peuvent être accélérés, qui peuvent être réutilisés trois fois de suite, avec un mouvement de caméra on se dit 1, 2, 3, on recommence, etc. Et ça dramatise, on arrive effectivement à créer un impact, une sensation effectivement donc de suspense, Il y a ça chez Araki, c'est la déformation, effectivement, c'est le travail de l'animation, donc des cheveux par exemple, l'expression effectivement d'un graphisme qui va être très très ce qu'on appelle les bichonnets, c'est-à-dire c'est les belâtres, les jeunes garçons qui sont comme ça, qui devant lesquels le lectorat féminin ou les téléspectatrices vont se pâmer parce qu'effectivement ils représentent une sorte d'idéal comme ça graphique et épique finalement en termes de caractère également. C'est lui qui a mis en place ça, et donc à sa manière également, à sa manière propre, il a lui aussi repoussé les limites de ce que permettait de concevoir le cinéma d'animation, enfin le dessin animé télévisé. Les contraintes de la télévision, plus que des questions de financement ou de budget, sont les problèmes de temps qui sont décisifs. Quand vous avez 20 minutes à produire chaque semaine, même si vous avez commencé effectivement en amont et que vous avez quelques épisodes en stock, vous êtes dans une course contre la montre qui est absolument terrifiante. Et donc il faut savoir faire le mieux avec le moins. Et ça, c'est les Japonais ont été très loin dans cette veine-là, mais y compris dans une veine qui à mon sens, mais il faut toujours le redire, ça c'est n'a toujours pas été dépassé aujourd'hui en termes de qualité d'animation télévisée. C'est précisément les gens comme Takata Miyazaki qui sont venus eux de la production de cinéma, qui au tournant des 70 commencent à travailler pour la télévision avec Heidi, avec Marco, ou par la suite avec Conan le fils du futur, avec Sherlock Holmes. Ce sont des travaux qu'on peut projeter sur des grands écrans de cinéma et qui tiennent, je veux dire, et ils ont établi un nouveau standard de qualité pour l'animation télévisée qui, à mes yeux, n'a toujours pas été dépassé, mais nulle part dans le monde. Voilà. C'est. Excusez-moi. Non, au contraire. On aimerait continuer là-dessus. On va passer. C'est faut refaire une. C'est énervant, je sais, de dire faut refaire une émission, faut refaire. Alors qu'on est là, mais c'est vrai que c'est assez passionnant. On voulait pas au départ parler de la télé, la série télé, mais ce serait intéressant de faire une émission sur la série télé avec Inan qui nous parlerait aussi bien du Japon qu'on pourrait parler aussi justement des États-Unis et de la France et d'avoir une confrontation là-dessus. Est-ce que tu peux nous redire, alors plus doucement, pour que les gens qui parlent pas japonais, oui, les trois noms des auteurs indépendants que tu as dit, parce que tu parles très bien et donc auteurs, c'est oui, un peu, voilà. Le trio de l'animation. Le trio de l'animation. Alors, il faut savoir que dans le courant des années 50, en Europe comme au Japon, sont présentés pour la première fois les travaux de Norman McLaren, donc à l'Office national du film, donc et ces films canadiens qui font l'objet d'une diffusion très volontariste de la part des pouvoirs publics canadiens. C'est cette même volonté qui a présidé à la création de l'ONF, le fait d'affirmer une production de cinéma propre à l'égard donc du géant américain qui est à côté et qui avait un poids culturel énorme. Ces films de McLaren ont un impact très important. En Europe comme au Japon, et au Japon donc la découverte des films de McLaren, Blinkety Blank et autres amène ce cartooniste, ce dessinateur donc de dessins satiriques qui est Kuri Yoji, à se lancer donc dans le cinéma d'animation. Kuri est né en 1928, donc il a 83 ans cette année. Il a prédit il y a quelques années dans un documentaire qu'il en finirait, il arrivera au bout du chemin sans doute en 2011. J'espère que ce ne sera pas le cas parce qu'en 2012 il y a des rendez-vous importants qui l'attendent. Et donc il a été d'abord couronné comme dessinateur de presse pour des dessins donc comme on en a nous dans les journaux effectivement, mais c'est beaucoup plus vivace au Japon dans les revues notamment. Et donc il commence à réaliser des films d'animation avec ses propres moyens, avec une caméra 8 mm. Il va ensuite pouvoir réaliser des films de publicité, on va lui acheter une caméra 16 mm. C'est lui qui embringue ses deux compères, qui sont donc Manabe Hiroshi, qui est lui aussi illustrateur. Donc on trouve ses travaux, notamment pour illustrer des romans, par exemple dans les revues. Et puis Yanagihara Ryori, qui lui est illustrateur et qui travaille dans un sens graphique comme ça, qui est très très acéré, très en pointe, avec des personnages donc également pour la publicité, pour une marque notamment de whisky qui est très connue là-bas. Donc il y a un personnage qui s'appelle Uncle Tris que lui a créé avec un nez comme ça. C'est un personnage à la fois très rond et très avec des arêtes très marquées. Et donc ils se retrouvent tous les trois dans l'idée qu'effectivement il y a des films d'animation à faire qui soient le contre-pied ce que représente le studio d'animation de Toei. Et donc il y a un renversement, un chamboulement permanent des valeurs comme ça entre le milieu des années 50 et le milieu des années 60. En 10 ans, le paysage a changé complètement. Comment ils se financent ? Et ben ils se financent eux-mêmes. S'il s'agit de production autofinancée, donc voilà, ce sont des courts-métrages qui peuvent être très très courts, hein. Kuri a fait beaucoup de films qui sont d'une à trois minutes, et l'idée c'est d'être présenté. Ils peuvent être financés aussi par le Sogetsukaikan. Le Sogetsukaikan, cette salle qui a été achevée donc à la fin des années 50, en 58, va avoir un rôle décisif dans le rayonnement culturel de la jeune génération jusqu'au tournant des années 70, quand la salle va fermer ses portes. C'est la salle de la TG ou non? C'est pas la salle de la TG. L'école de Sogetsu, c'est une des trois écoles principales de ce qu'on appelle, vous savez, c'est l'art floral japonais. D'accord. Voilà. Et donc c'est une école qui est très florissante et qui a été pour laquelle notamment un cinéaste qui s'appelle Teshigahara Hiroshi fait partie donc de cette famille Et donc lui choisit de créer ce lieu d'expression pour le théâtre conceptuel, le théâtre abstrait, la musique abstraite, les performances et le cinéma d'animation. Donc il se dit il manque une scène pour la jeune génération, pour qu'elle puisse s'exprimer. Donc tous les artistes, alors là aussi il y a à boire et à manger évidemment. Il y a cette approche conceptuelle de dire qu'il faut faire des œuvres avec des cuvettes de WC par exemple. Bon ben tout le monde en passe par là, peu importe. Il y a donc une effervescence qui fait que c'est une école qui a effectivement un poids économique qui lui permet effectivement donc de, par exemple, de produire un petit peu, donc de donner un petit peu d'argent. Ce sont des productions qui sont très très sommaires, hein, de toute façon. Les films de Manabe et de Yanagihara sont effectivement moins connus que ceux de Kuli, parce que Kuli a été très volontariste à l'international. Il a envoyé très tôt ses films dans les festivals, donc à Annecy et ailleurs, et donc il a été identifié. Il a eu cette démarche d'aller vers l'extérieur, et il a été reconnu à l'extérieur presque avant d'être reconnu au Japon même, et même davantage. Donc il a voyagé à travers le monde. Il a fait partie très vite des jurys à Annecy et ailleurs. Il a fait partie de la CIFA. Et donc voilà, il a... Teshigahara, juste pour savoir, c'est là, pour que les gens reconnaissent, c'est la femme des sables. Tout à fait. Notamment plus connue, Village de l'autre. Enfin, il y a beaucoup la de films. La face d'un autre, tout à fait. Voilà, après, Kobo, voilà, il a adapté beaucoup cet écrivain d'après-guerre. Juste pour avoir une vision des choses. Est-ce que... Sables, oui. C'est terrible. Je vais le dire doucement parce qu'il faut regarder sur Internet, parce que Kuriji est quand même un personnage qui est assez étonnant et c'est toujours surprenant de voir ses films. Donc c'est K-U-R-I plus loin Y-O-J-I. Oui. Vous avez plein de films, vous en avez quelques-uns sur YouTube. On a entendu un petit bout d'Ofu tout à l'heure. La grosse Bertha. Voilà, la grosse Bertha, qui est un personnage qui court. Vous avez entendu, il y a beaucoup de répétitions. Hein, arrive à faire un film avec une dizaine de cellules, effectivement. C'est quasiment ça. La grosse Bertha, c'est vraiment la cyclicité, c'est l'exploration de l'animation répétitive. À minima. C'est pour ça qu'il va travailler avec des gens comme Tolu Takemitsu aussi, un petit bien peu sûr, le musicien avec ou avec qui, tout voilà, à fait. Voilà. Concrète, voilà. Il va avec des cris, avec Onoyo qui va effectivement apporter sa voix pour certains films. Enfin, il y a cette époque des années 60 qui correspond à une forme de croisement. Enfin, toutes sortes de jeunes artistes se croisent là, dont les routes se sépareront par la suite. Et quand on parle d'animation d'auteur au Japon, il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est que Ofuji est le premier auteur identifié de la production animée japonaise, à la fois au Japon même et à la fois à l'étranger. C'est le premier à avoir à avoir vu certains de ses films, en particulier un film qui s'appelle La Baleine, présenté en Occident à la fin des années 20, en Allemagne, en France et ailleurs. Il a même un prix à Venise ou à Cannes, non ? Il a eu de ses films présentés donc en 53 à Cannes et en 56 à Venise. Il a eu un prix à Venise, effectivement, avec le vaisseau fantôme. Voilà, Cocteau, voilà, Picasso ont pu être très dithyrambiques à son égard. C'est parce que ce sont des films qui sont dans la logique du film de silhouette et du film de silhouette utilisant donc des supports colorés. À mon sens, c'est quelqu'un qui est pionnier, qui, avant Reiniger, montre la voie, effectivement, de ce que la couleur peut apporter au film de silhouette. Donc juste Reiniger, qui est Les Aventures du Prince Ahmed. Voilà. Des films importants, là, des premiers films. Tout à fait. Dans les années 20, donc avec l'expressionnisme allemand, avec toute une école autour d'elle, bien sûr. Et puis, une œuvre qui court sur 5 décennies, jusqu'à la fin des années 70, mais avec une évolution qui reste, à mon sens, beaucoup plus restreinte dans ce que fait Reiniger. Jusqu'à la fin, elle est inscrite dans un domaine qui est celui du film de silhouette articulé, avec un rôle, par exemple, de la couleur qui peut être très anecdotique, très décoratif, mais pas beaucoup plus que ça. Ofuji apporte, avec la couleur, des choses qui sont beaucoup plus frappantes. Un film comme Le Vaisseau Fantôme est décisif. Je veux dire, la présentation à Cannes, par exemple, d'un dessin. On sait que Ofuji a envoyé un dessin à Cannes pour une exposition qui s'est tenue lors des premières JK, première journée internationale du cinéma d'animation, donc conçue autour d'André Martin et Michel Bochet. Eh bien, c'est la couleur est là pour... Si on se pose la question, moi je montre ce film systématiquement à mes étudiants au Japon et je leur dis voilà, il y a ces films de silhouettes, ces silhouettes qui sont opaques, noires, ces marins qui sont attaqués par un vaisseau donc un vaisseau pirate qui s'empare du vaisseau, qui exécute les survivants, s'empare des femmes et autres. Et puis le vaisseau fantôme qui donne son titre au film, c'est un vaisseau. Sont les fantômes effectivement d'un couple qui a été donc qui s'est donné la mort, lui a été tué, elle s'est suicidée effectivement au cours de l'assaut des pirates, et ils vont venir se venger, une histoire de vengeance. Et ce que fait Ofuji, mais c'est pas lui qui a inventé cette idée là puisqu'on trouve ça déjà chez Fischinger avec les constructions de l'âme dans les années 20, c'est de faire de la silhouette avec silhouette blanche, et les fantômes ils arrivent, ils se rapprochent, c'est le vaisseau fantôme, il est tout blanc, eux sont tout blancs face à ces silhouettes noires, et donc la couleur la plus importante de ce film, c'est le blanc. Et toutes les couleurs de la représentation de la mer et du reste sont là pour faire ressortir cette dualité, cet antagonisme entre le blanc et le noir. pardon. Non, excusez, on va juste, je vais te demander un exercice qui va être difficile juste avant de faire une dernière coupure musicale, c'est de nous redire Kuleyoji, j'ai pu juste le plus doucement possible, voire de les épeler les deux autres. D'accord. Manabe, qu'on les épelle. Oui. Manabe Hiroshi, donc M-A-N-A-B-E, et son nom personnel Hiroshi, c'est H-I-R-O-S-H-I. Ça va? Et Yanagihara Ryohei. Yanagihara, c'est donc Y-A-N-A-G-I-H-A-R-A, c'est long. Et Ryohei, son nom personnel, c'est R-Y-O-H-E-I. Okay. Voilà. Et lui est toujours effectivement en activité. Et c'est un fou de bateaux. Et donc il dessine énormément de bateaux. Il a un petit musée qui est dédié à son œuvre en province. Et donc il continue à dessiner effectivement et à produire un graphisme qui a effectivement eu une descendance dans l'animation d'auteur de court métrage. Donc si l'émission, et j'en doute absolument pas, vous a passionné, vous pourrez réécouter plusieurs fois la voix d'Ilan. Ça sera podcastable évidemment sur Radio Liberté. Oui, on va le mettre sur Bulle de Rêve, on va le mettre sur The Web Anime. On va mettre les liens et on va remettre. Et on va mettre des liens. J'en avais pas mis aujourd'hui sur The Web Anime, ce que je fais d'habitude, parce que je savais pas trop de quoi on allait parler. J'ai bien fait, parce que je vous aurais montré que de la nouvelle génération, et la nouvelle génération n'aura pas lieu de citer aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on a encore plein de gens passionnants dont on va parler dans ces années 50-60. Et Ilan va revenir, comme ça on fera des années 70 à aujourd'hui s'il veut bien, évidemment, mais voilà, comme ça sera un coup de balai radical. Mais au moins on a un petit peu plus avancé dans cette période là, ce qui était fascinant. Ça, c'est moins intéressant puisqu'on a la chance d'avoir ces deux heures sur Radio Liberté de survoler ça, donc comme ça voilà, on a des points qui sont importants. On va faire une dernière pause musicale, on va faire ce qui doit être donc pas celui d'après, qui fait que 4 secondes, qui était normalement un extrait de La Maison au Petit Cube que j'ai loupé, donc de Kunio Kato, et on va passer à juste le morceau d'après, où on est dans la comédie musicale. Je vous ai dit, on a commencé par Marilyn, on a fait Les Demoiselles de Rochefort, et là, je vous amène en Malaisie pour un film que pas grand monde connaît, qui s'appelle Sell Out. Vous allez voir, c'est une comédie musicale un peu bizarre, et vous avez entendu une chanson qui vient s'appeler The 50 Ringgit Serenade. C'est en anglais, et donc ça s'appelle, en fait vous allez entendre les paroles, c'est argent, pourquoi tu n'aimes que les riches, tu ferais bien d'aimer les pauvres aussi, et tu ferais bien d'être équitable, voilà, donc c'est une chanson sur l'argent. On écoute ça maintenant, si j'ai bien fait mon boulot. Money, why do you like rich people? Forever putting on airs and hanging out with millionaires. They claim your interest without a principle. You're no better than the worst of us, prostituting for the best offers. Money, every man's laid his hands on you. We're the last one standing in your queue. Money, why don't you like poor people? Is it the way that we dress, our lack of success, or our smelly breaths? You've got to learn to be. Je veux bien. Ilan me proposait quelque chose hors antenne, donc voilà. Et ben voilà, toujours Bulle de rêve, on écoutait Sell Out du Malaisien Yeo Jun Han, malheureusement pas jamais sorti en France, que j'avais découvert lors d'un festival du film de Paris, ce gros festival qu'il y a pendant l'été. Donc voilà, on va continuer, vous avez compris, avec Ilan Nguyen de parler du cinéma japonais. Vous l'avez compris au début, il y avait quelque chose qui était prévu, la nouvelle génération japonaise. Vous avez compris au fur et à mesure peut-être de notre discussion. On parlait plutôt de l'ancienne génération. Voilà, mais qu'il paraît évident qu'on a la chance d'avoir un historien qui connaît évidemment aussi bien son travail et sa passion qu'Ilan, de pouvoir petit à petit avancer, de prendre du temps et finalement arriver, car évidemment tout ça part dans une lignée, on peut pas... Oui, alors voilà, on est obligé de schématiser toujours, et c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant, mais pour aller très vite, donc il y a Ofuji, dès l'avant-guerre et dans l'après-guerre, le premier réalisateur identifié par l'étranger, notamment effectivement en tant qu'auteur, c'est à lui que les gens du festival Le Tour ou des JK vont écrire de manière régulière, ils vont l'inviter à venir, il a été invité en 56, il a pas pu venir. Ofuji meurt en 61. Il est terrassé alors même que c'était vraiment, il avait commencé à établir des rapports réguliers avec différents pays étrangers, et donc juste avant sa disparition, c'est donc une toute autre veine, c'est Kuri, donc cette veine satirique très très noire, très cruelle, très très violente à l'égard de ses personnages, méchante comme ça, qui va faire la joie des festivaliers à Annecy et ailleurs, donc dans les années 60. Et donc Kuri, c'est le deuxième auteur identifié, donc on a l'impression d'un grand saut comme ça d'une partie du territoire à une toute autre région de cette carte-là, si on parle dans ces termes-là pour la production japonaise. Et puis, à partir de là, je pense qu'on pourrait aller vraiment très très simplement, et on peut dire qu'il y a trois gros découpages en génération dans un sens qui est différent de celui qu'on évoquait tout à l'heure quand je parlais de génération au départ. C'était des gens dont les débuts se sont parfois séparés de seulement quelques années. Là, on peut se dire en grossissant le trait de manière outrancière qu'il y a une génération des années 60 qui est la première génération des auteurs assumés en tant que tels. Il y a une deuxième génération des années 80, et puis la dernière génération, la troisième génération aujourd'hui, c'est celle des années 2000. Excusez-moi juste, alors celle des années 60, oui. Est-ce que c'est parce que pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille de regarder au moins les films de Kuri Yoji, oui, qui sont assez fous. On n'est pas tellement dans une, en tout cas nous, hein, dans notre idée occidentale d'une tradition japonaise. Et on a quelqu'un comme Kawamoto Kiyachiro. Est-ce que, oui, lui commence au même moment, et nous on est plus dans la tradition pour nous, encore une fois, oui, dans ce qu'on imagine de la tradition. Hein, je te demanderai évidemment de changer les choses, mais. Mais Kawamoto, c'est une autre histoire effectivement, et c'est donc Kawamoto, il est décédé l'an dernier, au mois d'août. Il avait 85 ans, et on prépare un événement qui lui rendra hommage au printemps l'année prochaine à Paris. Kawamoto a fait ses débuts en animation dans les années 50, auprès de Mochinaga. Je vous parlais tout à l'heure de Mochinaga Tadahito, cet immense pionnier du film d'animation de marionnettes, le premier à avoir créé des films de marionnettes dans la Chine, par exemple, communiste, mais également au Japon. Et Kawamoto est son premier disciple, c'est le premier à avoir été formé par Mochinaga à l'animation de marionnettes. Donc dès les années 50, il va travailler à des films de promotion, à des séquences pour la télévision, pour la NHK notamment. Kawamoto fait ses débuts comme auteur en 1968 avec un film qui s'appelle « Ne cassez pas les branches ». Après avoir passé presque 2 ans en Tchécoslovaquie, au studio de Tronka. Donc il a une histoire en tant que technicien. Il a appris la technique du cinéma d'animation auprès de Mochinaga. Il a créé les marionnettes d'un certain nombre de films de Mochinaga, dans toute la moitié à la fin des années 50. Et puis, au début des années 60, en 62, à toute fin 62, il décide donc de partir. Tronka accepte de le recevoir. Tronka, excuse-moi, réalisateur de La Main notamment. Oui, Eiji Tronka, donc le grand magicien de l'animation marionnette qui a été révélé par l'après-guerre, là aussi, y compris donc dans les cercles cinéphiles qui n'ont rien à voir avec l'animation. Il a vraiment été perçu comme un magicien incroyable avec ses longs métrages, avec Bayaya, avec évidemment le Songe d'une nuit d'été. Il y a une époque, enfin voilà, il y a des textes de Chris Marker sur Tronka. Ouais, c'est absolument phénoménal. Et donc Kawamoto écrit à Tronka, lui dit, voilà, je voudrais apprendre, me former auprès de vous. Tronka lui dit, venez. Et c'est assez exceptionnel, ça aussi, j'imagine. Et Kawamoto va passer un an et demi là-bas, donc à Prague. Et c'est ce qui va l'amener effectivement à explorer ensuite une veine, parce que les films de Mochinaga adaptaient des contes japonais ou des contes chinois, pouvaient aussi être représenter des personnages pour la télévision, donc des personnages sans nationalité établie, choses un petit peu comme ça, ou voir des séquences avec des tapis volants et autres. Tanaka lui dit mais c'est tout ça c'est très bien, mais pourquoi vous êtes japonais, vous avez une tradition de la marionnette au Japon, pourquoi vous faites pas des films qui s'inscrivent dans cette tradition, vous avez tout ce qu'il faut. Et donc c'est quelque chose qui va ramener Kawamoto effectivement à se pencher. Après cette, il faut comprendre ce que ça représente que de partir du Japon pendant un an et demi pour la Tchécoslovaquie à l'époque, sans savoir parler, mais non seulement ça, il a appris anecdotique, mais c'est important quand même. Il a appris Kawamoto a été très modeste souvent. Il a appris le tchèque, il a appris le français dans sa jeunesse, dans les années 50. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que les voyages depuis le Japon n'étaient pas autorisés après la guerre. De la même manière que le fait de se rendre, de venir s'installer à Tokyo a été pendant plusieurs années interdit pour éviter des effets d'exode massifs de la part de, donc des campagnes, des provinces. La possibilité de voyager, c'est-à-dire d'obtenir des visas pour le citoyen japonais lambda, se régularise au début des années 60, avec la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo en 64. Et donc c'est ce qui fait aussi que Kawamoto va avoir un petit peu d'argent dont il va décider effectivement d'utiliser de cette manière-là en partant à l'étranger. Il va profiter de ce séjour d'un an et demi en Tchécoslovaquie pour voyager un petit peu partout ailleurs. Hein. Il va voyager en train dans l'Europe du Sud, il va venir à Paris, à l'UNESCO, il va voyager en Angleterre, etc. Des gens de son entourage ont fait paraître son journal justement de Tchécoslovaquie il y a quelques années. De ça, c'est vraiment très très instructif. C'est le fait de partir comme ça, de tout quitter, de dire je vais partir me former à l'étranger. C'est le premier sans doute réalisateur japonais d'animation à avoir fait ce choix-là. Il y a les tout premiers réalisateurs japonais à avoir eu une idée de l'étranger. C'est d'abord Yokoyama Ryuichi, le dessinateur à succès de Fukuchan, qui passe aux États-Unis en 51 pour couvrir en tant que journaliste le traité donc de San Francisco, le traité de coopération nippo-américain, donc qui marque la fin de l'occupation et le retrait des troupes d'occupation américaines en 52. Lui, il profite de ce voyage pour aller visiter les studios Disney. Bon, donc il va voir ce que ça donne, mais lui, c'est pareil, c'est un dessinateur de bande dessinée, il n'est pas du tout réalisateur de films d'animation à la base, donc c'est une sorte d'antécédent de Tezuka. Et puis ensuite, en 57, il y a un réalisateur, donc le réalisateur fondateur à Toei, c'est Yabushita Taiji, qui va faire une mission d'études d'un mois aux États-Unis avec un producteur de Toei, et qui va faire le tour, qui va passer chez Disney, qui va passer chez Walter Lantz et ailleurs, et il va sonder, donc il va faire une étude chiffrée, donc dont il reste quelques traces, effectivement, pour savoir comment les États-Unis travaillent sur l'animation. Mais ils ont passé un mois là. Kawamoto lui passe un an et demi pour se former lui techniquement, et c'est le premier à mon sens. Question qui peut paraître un peu bête, mais c'est juste à cette époque-là, comment il fait ? Il travaille, comment il finance finalement son voyage. Alors Kawamoto donc a travaillé pour la télévision. Il a travaillé d'abord pour la Toho en fait après la guerre. Il a fait partie de ceux qui ont été contraints de démissionner en 48. Il y a eu en 48 le pouvoir donc américain donc d'occupation va avoir un rôle dans la répression d'un certain nombre de manifestations. Il y a une grande grève des studios Toho en 48 qui est menée donc par les communistes en particulier, et les troupes d'occupation envoient des chars donc pour libérer les studios occupés par les grévistes. Kawamoto, qui était assistant décorateur sur un certain nombre de films donc de cette époque-là, va quitter le studio à ce moment-là. Il y a des purges très clairement qui sont installées à partir de ce moment-là. C'est ce qui mène un certain nombre de cinéastes à créer la Shin Toho, qui fait partie donc c'est un studio donc qui est dissident par rapport à Toho. Voilà. Kawamoto donc est repéré par un dramaturge, un grand auteur de pièces pour la scène et de pièces comiques, qui s'appelle Isawa Tadasu, qui va lui proposer de réaliser des marionnettes pour une rubrique satirique dans un magazine hebdomadaire. C'est-à-dire que lui crée, comme on pourrait dessiner, comme Plantu fait un dessin dans le monde, là il y a une rubrique satirique avec une photo d'une marionnette et d'un décor. On profite finalement de l'effet volumique, et donc lui c'est de la marionnette satirique. Il crée une pose, une scène. C'est tout à fait étonnant, c'est vraiment ce que la photo et la marionnette permettent à cette époque là donc il y a ça. C'est de cette manière là que Kawamoto va se mettre à collaborer avec Isawa sur des spectacles de marionnettes et sur des films de marionnettes, parce que Isawa est passionné d'animation également, avec l'arrivée donc de Mochinaga qui revient du continent. Et ensuite, donc, bah, très concrètement, Kamoto travaille ensuite donc à créer les marionnettes pour des films de Mochinaga, travaille comme animateur pour des séquences pour la NHK, pour des films publicitaires, pour des marques de bière, Asahi notamment. La possibilité matérielle pour Kamoto de partir à l'étranger est liée à une des considérations contingentes qui sont assez rigolotes mais anecdotiques à vous raconter. Kamoto est né dans l'arrondissement de Shibuya, dans un coin qui s'appelle Sendagaya. C'est là qu'il est né, c'est là qu'il a passé toute sa vie, c'est là que se trouve son atelier, c'est là qu'il est décédé. À l'approche des Jeux Olympiques de 64, ces jeux-là marquent un tournant effectivement pour le Japon de l'après-guerre, qui rejoint le concert des nations et qui marque une modernisation qui est un petit peu décrite dans la colline des Coquelicots, qui se passe en 63. Donc c'est l'époque des grands travaux. Donc on se dit, pour les Jeux Olympiques, il faut créer des stades, il faut créer des infrastructures, créer des routes. Quand on se rend à l'atelier de Monsieur Kamoto, il est en fait sous une voie automobile en hauteur. Et donc les gens qui habitaient là, en fait, ont touché des indemnités pour qu'on construise la voie juste au-dessus de leur et qui subissent ensuite le boucan des voies à longueur d'année. Donc lui, il a touché une somme à ce moment-là, effectivement en 62, et il s'est dit voilà, qu'est-ce que je fais avec ça. C'est ce qui lui a permis de partir, parce qu'à l'époque ça coûte très très cher de partir, de voyager en avion, ça prend, enfin bon bref. Donc c'est ce qui lui a permis de réaliser ce pas, de se franchir ce palier, et donc ensuite de faire ses premiers films en tant qu'auteur, quelques années après son retour. C'est quand même plusieurs années, hein. Il a travaillé ensuite à des spectacles de marionnettes tout du long, ça c'est des choses qu'on connaît très peu et qu'on va essayer de présenter au printemps prochain, donc avec des spectacles à dimension très satirique, là aussi, c'est très, très étonnant. Bon, j'espère qu'on pourra en reparler d'ici là. Oui. On a quoi, 3-4 minutes, hein. Regarde, voilà, à peu près un peu moins de 5 minutes. On est au milieu des années 60. On a vu quelques noms déjà, oui, qui mériteraient d'être développés parce qu'ils ont continué. Est-ce qu'on peut, j'en parlais un peu hors antenne tout à l'heure, est-ce que des gens comme Murakami, Jimmy ou Kinoshita Renzo, oui, ces gens-là, est-ce qu'on peut les mettre déjà maintenant, ou est-ce que... Oui. Alors Jimmy Murakami est un réalisateur donc dont le travail ressort plutôt de la production américaine. Hein. Il a fait partie de l'UPA, il a réalisé ses films. Il a séjourné 2 ans au Japon, effectivement. Il a visité les studios de Toei dans les années 50, mais il n'a pas travaillé au Japon même. C'est ça, hein, il est parti. Donc il a des origines japonaises, il est de deuxième génération. Ses parents sont venus donc aux États-Unis au début du 20e siècle, pardon. Et donc lui fait partie vraiment de cette population japonaise, d'origine japonaise, qui a pu être parquée dans des camps pendant la guerre. Ça fait partie de l'expérience très très dure à laquelle a été confrontée toute cette population d'origine japonaise, qui a été considérée comme ennemie par les pouvoirs publics américains, comme espion d'une puissance étrangère hostile, et bon bref, qui ont été donc enfermés dans des camps de concentration où l'une de ses jeunes sœurs a tout simplement fini sa vie. Donc il a été animé toute sa vie durant, effectivement, d'une haine assez tenace à l'égard, effectivement, donc de l'armée américaine. On a voulu l'embrigader ensuite pour aller faire la guerre en Corée 5 ans après. On lui dit, il faut que tu viennes te battre pour ton pays. Alors, il leur disait, bah, c'est quoi mon pays? Mon pays, c'est pas ce que vous me disiez il y a quelques années. Il a un rapport au Japon qui est relativement distant. Il parle un petit peu, il comprend un petit peu le japonais, mais c'est clairement, bon, il vit aujourd'hui en Irlande, mais c'est autre chose. Bon. Ça nous permet de faire un petit coucou rapide à Manuel Otero qui a appelé, qui nous écoutait, qui, je pense, a eu la même année que lui. D'accord. Le Grand Prix. D'accord. À Annecy, en même temps que Breath, je crois. D'accord. Il me semble, hein, c'est que c'était cette fameuse année-là. Donc, mettons de côté Murakami, est peut-être quelqu'un qui est plus intéressant au niveau du cinéma japonais. Il est pas moins intéressant. Non, mais Murakami pas plus tout à fait intéressant, mais il est moins japonais peut-être. Voilà, c'est au niveau même du graphisme quelque chose. Moi, j'ai vu peu de choses de Kinoshita Renzo, malheureusement. Alors, visiblement, il y a peut-être un DVD qui allait sortir. Ça verra peut-être le jour, un jour ou l'autre. Pour l'instant, c'est pas encore prêt. Et ce que j'ai vu était absolument fascinant. Il y avait Kinoshita fait partie aussi de ceux qui ont été stimulés par justement le trio de l'animation, et il a travaillé un peu dans l'animation commerciale. Il a réalisé une série télé ou deux. Il a créé sa propre boîte. Il a beaucoup travaillé pour l'animation publicitaire, donc en pointe de toutes sortes de tendances graphiques. Et puis il a réalisé des films de court métrage, là aussi satiriques, très critiques, japonais et autres, mais aussi des films qui sont des films pacifistes. Donc il y a Picadon, il y a le dernier Red, raid sur Kumagaya, qui décrit l'histoire effectivement d'un bombardement américain qui s'est produit alors que les Japonais s'étaient déjà rendus. Donc après le 15 août, les Américains avaient encore quelques bombes à balancer, donc ils se sont dit ça marquera le coup. Enfin voilà, ce genre de choses. Puis Canon, c'est ce film sur le bombardement atomique, sur Hiroshima. Film de la fin des années 70, qui est un film très très très dur, ce qui là aussi peut être une manière de montrer ce que seul le cinéma d'animation peut montrer, c'est-à-dire que ce que représente l'horreur atomique, qui est une sorte d'indie. On se souvient de ce qu'a produit Marguerite Duras et ce qu'a réalisé René sur le sujet. Eh bien, l'animation permet de montrer la dislocation des corps l'effet des radiations. Et Kinoshita, donc, c'est un parcours singulier qui l'a amené ensuite effectivement à fonder le festival de Hiroshima, donc en 85. Lui est décédé en 97. Donc il y a un travail d'édition à mener sur son cinéma. Et puis il y a au moins un autre nom qu'il faudrait citer, voilà, de cette génération des 60. C'est Aihara Nobuhiro. Aihara est né, comment dire, en 1944. Et il est décédé à la fin du mois d'avril cette année. Et lui aussi fait partie de cette génération. Donc il avait étudié le design, il avait commencé à travailler dans une société de design. Il a vu les films de McLaren. Il a commencé en 65 à réaliser des films expérimentaux, des films d'animation. Et alors là, c'est tout à fait incroyable parce que c'est de la même manière que Kuli est une œuvre en tant que, c'est-à-dire que le personnage de Kuli est partie prenante de son œuvre. Aihara, c'est un hippie, mais il a réalisé des films qui sont absolument sans pareil. Des films psychédéliques, des films d'animation abstraites, mais d'une portée qui dépasse de très loin ce qui s'est produit depuis au Japon. Et je pense que dans la génération dont il faudrait parler, il y a sans doute bien sûr Mizue Mirai. Et j'ai assisté au début du mois, ici, à 2 décembre, à un hommage qui a été organisé, un cycle de projection sous l'intitulé Dreams, qui était le titre d'un de ses films envers Aihara, avec une présentation de Mizue, qui fait des films très abstraits aussi, mais qui n'ont absolument pas la même portée. Et donc Aihara a travaillé comme animateur dans la production commerciale et a réalisé ses films indépendants en parallèle. Comme tu prononces, je vais pas oser, c'est Aihara. Exactement. Voilà, comme ça, on a encore. On va finir. Oui. Merci beaucoup, Ilan. On s'arrête. On est en plein milieu des années 70. 70, ouais. Il nous reste une quarantaine d'années à faire. Donc, je pense qu'on aura encore au moins deux émissions à faire. En tout cas, je l'espère. Vous avez été autant passionnés que nous. C'est la première fois que je vois Florentine prendre autant de notes. Donc, il y a une chanson de Nougaro qui dit comme ça, qui dit saut, je descends dans la culture qu'on a eue, qu'Ilan nous a proposé. C'est pas pas parce qu'il est là, mais c'est vrai que c'est toujours fascinant de l'entendre parler de toutes ces ramifications à l'intérieur d'un cinéma qui est si riche et qui est si important aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous, Ilan, et j'espère à très très vite. Je sais pas si on commence, si tu veux, on peut mettre le générique qui est la dernière chanson et qui est pour finir la comédie musicale. On est dans quelque chose de complètement différent. C'est Time Warp de Rocky Horror Picture Show. Voilà, pour terminer sur une autre note, et on se retrouve donc le 14 janvier avec une surprise. On verra peut-être avec un peu de chance la suite de ce merveilleux exposé. En tout cas, on aura la suite en 2012, c'est sûr. On prendra rendez-vous. En tout cas, merci à tous. Merci. Et donc, bonne fête. Année, bonne fête. Enfin, bonne fête et tout ça, quoi, tous ces trucs-là. À bientôt. Au revoir. It's astounding. Time is fleeting.